Faut-il autant aimer la vie que les gens sont si mauvais? Faut-il pourtant avoir des amis? Ils finiront par te blesser. Mais les années ont passé. Croyez tant vers la bonté, mais trop de haine sur cette terre. Trouvez un moyen pour l'évacuer. Les gens se tirent dans les pattes. Il y a des suicides à tour de bras. C'est le pétrole et la peur d'être jeté. Nous on tient en laisse pas un certain confort, un besoin d'argent pour exister, nous faire penser que l'on est libre. Encore une fois, on va voter. Tout est déjà calculé. Comment il faut nous arnaquer? Et on fait ça aux animaux. Parqués dans des prés. Comme si pour les humains ne servent à rien. d'exister. Pour tout détruit et terminé. Pour tout détruit et terminé. Alors j'espère que ce matin, la pluie va tout laver. Cherchez, cachez-les, ce qui est